homenagem. Samba, samba, samba. É uma rocânia brasileira. Se mexer com meu marido, vai levar peixeira. Ele tá aqui comigo, aqui no RDV. Não vem brincar comigo, porque eu sou uma brasileira. Eita, eu tô bem. Vous écoutez The Radio Seigneur, soyez les bienvenus. On est le lundi 30 juillet 2018 et puis on va entamer une nouvelle semaine en ce jour de ça se passe chez vous. Donc voilà, on est ensemble comme chaque jour du lundi au vendredi de 10h à midi sur The Radio Seigneur sur le site zen-radio.net. Peut-être que vous découvrez l'émission, voilà. Enfin bref, aujourd'hui je vais passer aux présentations avec Kendra aujourd'hui qui nous présentera la chronique mode. Salut Kendra, comment ça va? Salut, ça va Antoine? Eh bah ça va super, t'as passé un bon week-end? Ça va, on va dire ça peut aller. Bon bah super, il a fait bon en plus ce week-end, pas trop chaud mais quand même un peu quand même, donc bon week-end d'été quoi. Donc on va avoir plein de choses aujourd'hui, il y aura les éphémérides dans un instant, il y aura la chronique horoscope avec Virginie pour vous prédire votre journée, comment ça va se passer en fonction de votre signe astrologique, ça sera entre 10h10 et 10h20. À 10h30, ce sera l'heure de retrouver la chronique mode avec Kendra. 10h45, il y aura la météo. À 10h, non, après ce sera à 11h, on retrouvera Tati Karine pour son 10 qu'est-ce qu'on mange, la recette de cuisine. Donc voilà, elle nous donnera des idées de ce qu'on peut manger à midi. Il y aura également à 11h15 le programme télé avec Michel. Et puis enfin, 11h30, ce sera l'info actu avec Kendra. Voilà. Et enfin, on vous trouvera peut-être une chronique info insolite, enfin une chronique mystère, on trouvera le sujet au cours de l'émission. Voilà, ça sera vers 11h45 si ça se fait. Enfin bref, on va continuer en musique avec le son de M83 qui arrive. Plein de choses à venir dans cette émission dans un instant. Je vous présente les éphémérides, les anniversaires de stars et puis les fêtes qu'on souhaite aujourd'hui en ce lundi 30 juillet. Nouvelle semaine de Ça se passe chez vous comme tous les jours. 10h, 12h, c'est sur Soir du Seigneur et là on écoute M83. Midnight City, bienvenue. I see you grow. le son de M83 sur The Radio Center pour bien se réveiller à 10h06. Soyez les bienvenus, vous écoutez votre émission favorite, Ça se passe chez vous, et c'est l'heure de passer sans plus attendre aux éphémérides. Ça se passe chez vous? Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.zoradio.net. Et oui, alors les éphémérides, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? On est le lundi 30 juillet 2018, c'est le 211e jour de l'année, sachez-le. On fête les Juliettes aujourd'hui ainsi que les Genève. Bon anniversaire, joyeuse fête à eux, donc voilà. C'est l'anniversaire de l'ancienne Miss France Laurie Tillman qui fête ses 27 ans en ce jour. Il y a également le chanteur français Calogero qui fête ses 47 ans, ainsi que Christopher Nolan, l'acteur anglais, fête ses 48 ans. Simon Baker fête quant à lui ses 49 ans. C'est pas tout, puisqu'il y a également l'anniversaire de Jean Reno ainsi que Arnold Schwarzenegger qui fêtent tous les deux leurs 70 et 71 ans. Voilà, c'est tout pour les éphémérides. C'était déjà pas mal, hein. Il y avait pas mal d'anniversaires. Niveau fête, d'habitude, on est habitué à plus, mais bon, anniversaire, c'est bien rempli aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toutes ces célébrités que je viens de citer. Il est 10h07 et 30 secondes à peu près. Vous écoutez The Radio Seigneur, la meilleure radio de toute l'agglomération Seigneur. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tout le monde qui le dit. Donc alors, dans un instant, il y aura la chronique horoscope avec Virginie. Elle viendra vous prédire votre journée en fonction de votre signe astrologique, dire quoi faire, quoi pas faire. Mais pour l'instant, c'est le son de 21 Pilots. Ils sont de retour avec leur nouveau son, c'est Jumpsuit, parce que j'adore, et c'est une nouvelle bombe. 10h07, vous écoutez The Radio du Seigneur, soyez les bienvenus.

Merci beaucoup Virginie, on te retrouve demain autour de 10h15 à peu près, toujours sur la même radio, The Radio Senior.net. Notez bien cette adresse et mettez la même dans vos favoris. Vous nous rejoignez également sur le site, sur le Facebook, The Radio Senior. Et puis sur Twitter, vous venez, vous n'hésitez pas, sur mon Twitter perso, @AntoineRadio. Et puis il y a aussi le Snapchat, TheRadio27. Comme ça, on a fait un petit tour sur les réseaux sociaux. Vous venez, vous interagissez, vous n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos réactions. Dans un instant, un quart d'heure à peu près, ce sera l'heure de la chronique mode de Kendra, mais pour l'instant, Imagine Dragons sur Star de Tenor, Next to Me, c'est ce qu'on écoute. Bon réveil! Something about the way that you walk into my living room, casually and confident, looking at the mess I am, but still you want me. Stress lines and cigarettes, politics and deficits, late bills and overages, screaming and hollering. Peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. I feel good sometimes I don't, hey. I finesse down Western Road, hey, yes. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure

Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beautiful Castillo. You, I'd leave it all. Ooh, for you, I'd leave it all. Juste après le son de George Ezra, Budapest, est-ce qu'on a écouté 10h27 minutes? Restez là, puisque dans 3 minutes, c'est l'heure de retrouver Kandra et son info de la mode, son actualité mode, tout simplement. Mais pour l'heure, c'est l'heure de retrouver Rag & Bone Man, Eurao. Soyez les bienvenus sur The Radio Seineur. C'est ça, se passe chez vous. Our hearts are falling. God knows how I didn't see this coming. Can you hear the sound? The sky is crying. My love, my love. Oh, your love keeps me in chains. Just like the river, I come back again. Oh, your fear keeps me right here. You'll be the arrow. The arrow. Crying above, above. If you told me then what I know now, I'd be long gone. But I'm here somehow. Can you hear the sound? The sky fell down on us, on us. Guess I didn't wanna change this hold on me, this hold on me. Oh, your love keeps me in chains, just like the river I come back again. Oh, your fear keeps me right here. You'll be the arrow, the arrow. Oh, your love keeps me in chains, just like. Juste après le son de Rag & Bone Man, Heroes sur The Radio Seineur. Soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Avec vous jusqu'à midi. Il est 10h30 et c'est l'heure de retrouver Kandra pour son actu mode. Salut Kandra. Salut Antoine, salut à tous et oui, bienvenue de ce matin dans la chronique mode avec une petite nouveauté, puisqu'à partir d'aujourd'hui on va passer aux tendances de la saison 2018-2019, puisque maintenant les défilés des grandes marques de haute couture ont commencé pour la saison prochaine et ils attaquent déjà automne-hiver. Donc moi ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter des vêtements, enfin des tendances vestimentaires qui s'adapteront à la mi-saison, à la transition entre l'été et l'hiver. Donc des vêtements entre le chaud et le froid, voilà. Et donc pour commencer justement cette nouvelle saison, cette mi-saison plutôt, on commence avec la cape. Et oui, la cape signe son comeback pour tous ceux qui veulent être eux-mêmes dans des vêtements modernes et réalistes. En toutes circonstances, la cape est faite pour vous. Elle est moins, enfin, elle est loin des volumes extrêmes. Elle est plutôt chic avec un complice naturel qui apporte un côté naturel à chacun, essentiel dans la garde-robe où confort et séduction font corps avec le style. On l'a retrouvé notamment chez Etro, Alberta Ferretti, Alexander McQueen ou encore Givenchy pour cette saison 2018-2019. Difficile à savoir à quand remonte ce vêtement inspiré de la couverture enroulée autour de son corps pour se protéger du froid. Mais on pourrait dire que les premiers modèles datent de l'Empire romain, laissant apparaître que le visage. En fait, on voyait que le visage à l'époque romaine, quand les personnes portaient une cape, c'est cet effacement du corps qui donnera l'aura mystérieuse et puissante de la cape quand on la porte. Si on continue historiquement, en 1750, enfin dans les années 1750 au XVIIIe siècle, la cape représente un symbole de pouvoir à cette époque, bien sûr, puisqu'elle est lourde et imposante. Elle est portée par les rois et reines, on se souvient notamment de Louis XIV avec sa cape de bleu et ses fleurs de lys. Plus tard, au XXe siècle, juste avant la Seconde Guerre mondiale, les féministes vont s'en emparer, issues de la collection Hiver de 1936. La couturière italienne Elsa Schiaparelli mettra ses capes sur une collection appelée Circus. Les mannequins porteront des capes roses par-dessus leur tenue de dompteuse de faux. Je sais pas si tu vois un peu l'image, Antoine, ce que je veux dire c'est celle portait un peu sur les dompteuses de lion normalement dans les films. Ouais, j'imagine un peu, ouais. Ils ont un peu ces capes là. Plus tard, en 1970, la cape reviendra avec l'élégance, bien loin de la royauté, même si ça rappelle quand même des souvenirs. La cape est accessible à tous et devient un élément clé de la mode. La chanteuse Françoise Hardy, régulièrement en couverture des magazines de mode, met en valeur sa longue silhouette grâce notamment à une élégante et féminine cape signée Yves Saint Laurent. Et aujourd'hui, c'est plutôt les super-héros qui portent la cape. Et oui, Wonder Woman, Batman et encore plein d'autres, Zorro, ont porté la cape. Et à partir de Wonder Woman, c'est les super-héros, tant femmes que hommes, qui porteront la cape. C'est pourquoi à partir de 2016, Chanel, Chloé, Gucci intégreront la cape à la garde-robe, désormais considérée comme un manteau. Alors, aujourd'hui, comment la cape est revenue? Elle est revenue en cape et poncho, en fait, c'est les deux styles qui sont revenus. Et c'est une invitation au chaud, sous sa couette, comme on dit, la couette enroulée autour de soi, pour être dans un endroit un peu cocooning, avec un style plutôt naturel, empli de style et d'assurance. On peut aussi la porter comme une cape, des grands manteaux de cape portés avec des chapeaux qui cachent le visage. Donc moi je vous le conseille de porter des capes en mode fausse fourrure, bien sûr fausse fourrure, un style qui arrivera cet hiver. Pour les hommes, plutôt une cape style armée militaire, puisque le style army reviendra cet hiver. Voilà pour la conseil mode d'aujourd'hui, Antoine. Merci beaucoup, Kondra. On se retrouve dans une heure à peu près pour l'info actu. Dans 20 minutes, dans 10 minutes. 10 minutes, même pour la suite. La météo. Les prévisions météorologiques partout dans Seine-et-Marne. Merci beaucoup, Kondra. Et puis la semaine prochaine pour une nouvelle chronique mode. Donc voilà. Toutes les semaines, c'est la chronique mode de Kondra que vous retrouvez. Puis jeudi sera également la chronique emploi, toujours avec Kondra. Voilà, MGMT, MGMT pour le son. Kids, c'est ce qu'on écoute dans un instant. Il y aura le son de Vita et Claudio Acapeo pour un peu de rêve. Mais pour l'heure, 10h35, on retrouvera la météo à 10h45. Mais pour l'instant, c'est Kids. Soyez les bienvenus sur Heures du Seine-et-Marne. Ça se passe chez vous jusqu'à midi. Voice is too loud.

cherche l'enfer. Qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer? Dans mes ailes pour toucher nos rêves. Portez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de temps. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant nos cœurs s'éteignent. On est tous des mères. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Portez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Le bonheur. Quitter l'enfer. Ici j'ai peur. Je cherche la paix. Le bonheur. Des parcs, gamins des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da. Juste après le son de Frérot de la Vega sur Zora du Seigneur, le chant des sirènes, c'est ce que je viens de vous caler, il est 10h46. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h midi sur Zora du Seigneur. À 10h46, c'est l'heure de la météo avec Kendra. Faites du bruit pour lui, il arrive. Bonjour Kendra. Salut Antoine, salut tout le monde. C'est l'heure de la météo du jour. Et donc, aujourd'hui, quel temps va-t-il faire dans l'agglomération Seineur? En cette fin de matinée, le temps sur l'agglomération sera doux et tournera aux alentours de 20 degrés avec un ciel nuageux. Ce matin, enfin ciel nuageux qui durera bien sûr toute la journée puisque les températures seront redevenues normales dans la Normandie et donc dans l'agglomération Seineur. Les températures augmenteront légèrement dans l'après-midi avec une température moyenne de 26 degrés dans l'agglomération Seineur. On comptera 26 à Louviers, Surville et Criquebœuf-sur-Seine et du côté de

just you. It's already been done, undo it. It takes two. It's up to me and you to prove it. Après le son de Gossip Heavy Cross, 11h02 sur 02 Seigneur, c'est l'heure d'en trouver. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h midi sur 02 Seigneur. Eh bien oui, le jingle me part dessus, c'est pas grave, c'est l'heure d'en trouver Tati Karine avec son 10 casse comment, je suis chaud, ouais, on s'est fait un trip en mode nostalgie avec le son de Gossip, c'était super. Chers audionautes, bonjour. Dites-moi, un petit dessert aujourd'hui, ça vous tente? C'est parti. Je vous propose le flan aux pommes. À vos stylos. Ingrédients pour 6 personnes. 140 g de farine, 150 g de sucre, 1 cuillerée à café de levure, 2 gros œufs, 1 quart de litre de lait, 2 à 3 pommes selon leur taille, 2 cuillerées à soupe de gelée de groseille, 10 g de beurre pour graisser le plat. Préparation. Dans un saladier, mélangez la farine, la levure, 100 g de sucre, les jaunes d'œufs et délayez avec le lait. Incorporez les blancs montés en neige, mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène, versez la pâte dans un plat à gratin, beurrer, préchauffer le four à 180 degrés. Couvrir de lamelles de pommes, saupoudrer du reste de sucre, enfourner 25 minutes environ à la fin de la cuisson, recouvrir de gelée de groseille et servir tiède. Je sens que petits et grands vont se régaler. Retrouvez les recettes sur le site Passion Cuisine, www.passion-cuisine.com. Et le Facebook dit qu'est-ce qu'on mange. Réécoutez les chroniques sur The Radio, www.theradio.net. Bon appétit chers audionautes et à demain. Merci beaucoup Karine, on te retrouve demain dès 11h pour une nouvelle recette du jour avec un nouveau ticket ce qu'on mange évidemment. Soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur, on va continuer en musique sur The Radio Seigneur toujours. Dans un instant ce sera le son de Lily Allen pour les souvenirs avec Fuck You évidemment. 11h04, mais pour l'instant c'est l'heure de retrouver Khalid et Normani, Love Lies. Dans un instant c'est également Michel de la rédac et le programme c'est les bienvenus. I need a lover to trust, tell me you're on my side. Are you down for the ride? It's not easy for someone to catch my eye. But I've been waiting for you for my whole damn life, my whole lifetime. Don't be afraid to tell me if you ain't with it. I see your focus, yeah, you're so independent. It's hard for me to open up, I'll admit it. You got some shit to say, I'm here to listen. So baby, tell me where your love lies. Waste a day and spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies. I've been so into your mystery. Is it because of a history? If you're down, don't hide it. Feeling me, you don't gotta deny it. Baby, you gon' make me overnight it. Tell me how you down. Tell me where your love lies. Wasted day and spend the night underneath the sunrise. Show me where your love lies. Tell me where your love lies. Tell me where your love lies. Inside your tiny mind, then look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Après le classique de Lily Allen avec Fuck You, on adore. 11h11 sur The Heure du Seigneur. Dans un instant, c'est la sélection de télé de Michel, mais pour l'instant, Synaption. Fella, this guy out, Lula war moy nya fella. Après le son de Synapson, Suba, on vient de l'écouter sur Zard Listener, soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous, avec vous jusqu'à midi. 11h14, il est l'heure de retrouver Michel pour le programme télé. Bonjour Michel. Bonjour, c'est lundi, nous sommes le 30 juillet aujourd'hui, voici ma sélection télé avec sur TF1 ce soir, Joséphine Ange Gardien, deux épisodes avec Mimi Mati à partir de 21h. Sur France 2, votre série Major Crimes, ce soir 4 épisodes. Sur France 3, Un Monde Parfait, film 2 et avec Clint Eastwood et également Kevin Costner. Sur M6, Mamma Mia à 21h, le nouveau Mamma Mia vient de sortir au cinéma. M6 rediffuse le premier, sorti il y a 10 ans, avec à l'époque 1 500 000 spectateurs. Sur Arte, La Moutarde me montonnait, film avec Pierre Richard, et juste après, il y aura un documentaire sur Pierre Richard. Sur C8, soirée spéciale Fernandel, avec Don Camillo en Russie, suivi de Don Camillo Monseigneur. Sur TMC, film culte, Les Canons de Navarone, film sorti en 1961 avec notamment Anthony Quinn. Documentaire sur Dépêche Mode, sur C Star à 21h et autre documentaire juste après sur Amy Winehouse, toujours sur C Star à 22h50. Très bonne soirée télé à toutes et à tous pour ce lundi. Merci Michel, on se retrouve demain dès 11h15 pour un nouveau programme télé. En attendant, on va continuer en musique puisque dans un quart d'heure, ce sera l'heure de retrouver Kendra pour son info actuelle. Dans une demi-heure, ce sera l'heure des infos insolites. Et puis pour l'instant, c'est l'heure de retrouver Diplo, Fitme, Get It Right de Sénat. Bonjour. I'm walking down that road where all the flowers go. They say we're supposed to grow, learning from the highs and lows. All eyes lying on me, oh, begging me to play the role. Cause I'm gonna get it right.

après le son de Portugal The Man avec Feel It Still, on continue à 11h28 avec dans un instant les infos que tu mets. Pour l'instant c'est XXXTentacion, le retour avec Sad. On adore ce son. Bienvenue sur Zard du Seigneur. You're ever gonna let me know, yeah. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Blue eyes, I'm not afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know, yeah. Suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. I gave her everything. She took my heart and left me lonely. Broken hearts contentious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. Blue eyes, I'm not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Blue eyes, I'm not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. I'm not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Blue eyes, I'm not so afraid to let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide if you ever try to let go. I'm sad, I know, yeah. I'm sad, I know, yeah. Juste après le son de XXXTentacion avec Sad sur Zoar du Seigneur, il est 11h30 et c'est l'heure de retrouver Kandra pour l'info actu. Ça se passe chez vous ? Salut Kandra ! Salut Antoine, salut à tous et bienvenue dans la chronique info actu du jour. On est le 30 juillet et aujourd'hui on va parler de plein de petites activités qui vont se dérouler cette semaine. Et on commence avec À l'ombre des arbres, qui se passera le 1er août du coup. Ça se passe à Val-de-Reuil, à la médiathèque. Enfin, à la médiathèque, c'est plutôt en extérieur, mais c'était organisé par la médiathèque. Donc c'est une lecture à l'extérieur de la médiathèque sur la dalle ou Plaine Saint-Jean dès 3 ans. En fait, c'est des lectures faites par les bibliothécaires pour les enfants dès 3 ans, avec des contes, des romans, des histoires, enfin plein d'histoires différentes qui pourront vous relaxer le 1er août tranquillement en écoutant de jolies histoires. On continue avec Louvier Plage, comme tous les jours, le programme de Louvier Plage d'aujourd'hui, le 30 juillet. On a à la Villa Calderon de Louvier, entre 14h et 16h, une initiation aux échecs. De 14h à 16h également, on a une initiation au baseball par le club de baseball de Louvier. On aura aussi de 15h à 17h un grand jeu organisé entre les parents et les enfants pour passer justement un moment en famille. Voilà le programme de Louvier Plage aujourd'hui. En sachant que, comme on l'a dit dans la météo, il y a quand même un petit risque de pluie, donc sortez couverts, faites attention. On continue avec le concert d'Anna Tichayeva et Michel Gershwin qui se donneront en concert sur la scène du Moulin d'Andé le samedi 4 août à 19h, c'est ça, 19h. Ça se passe au Moulin d'Andé et comme chaque été, le Moulin accueille sur sa scène, dans le cadre de son académie internationale des musiciens qui viennent se perfectionner auprès de grands interprètes internationalement reconnus. Aujourd'hui, bah, c'est le tour de Michelle Gershwin et de Anna Tishayeva. Anna Tishayeva qui est une pianiste et son complice Michelle Gershwin qui est lui au violon. Ils ouvriront le bal avec deux concerts le samedi 4 août à 19h et dimanche 5 août aussi à 19h. Au programme des œuvres de César Franck, de Schumann, Bach et encore Lisée et Ravel. Il faut savoir que Michelle Gershwin est actuellement au premier violon au sextuor de régional du Nord-Pas-de-Calais. Il fait aussi partie d'un orchestre à Francfort appelé le Kammer Philharmonie Saint-Pétersbourg. Il fait aussi partie du London Musical Art, enfin plein de groupes, et il se produit sur énormément de scènes internationales comme celle de New York, Berlin ou encore celle de plein de grandes salles françaises. On a Hambourg à ce que je vois, voilà. Donc c'est vraiment un grand artiste qu'on peut aller apprécier sa musique et son talent de violoniste au Moulin d'Andé le 4 août à partir de 19h ou également le dimanche 5 août. Voilà, le concert est à 18€ et si vous voulez dîner sur place c'est seulement 25€. Et on termine avec la nuit des étoiles, encore une news un peu astrologique puisqu'on a passé l'éclipse il n'y a pas longtemps. La nuit des étoiles se dérouleront du 3 au 5 août 2018 sur toute la France. Plus de 470 manifestations sont organisées pour vous permettre à nouveau de contempler la voûte céleste. Cet été, la star des nuits estivales n'est pas une étoile mais une planète, elle est rouge brillante. Elle est appelée Mars. Donc ça se passera aussi le samedi 4 août au stade Maxime Machin de Louviers. Des centaines de sites, enfin comme on l'a dit, des centaines de sites de prépare pour contempler justement Mars. Et cette nuit-là, Maxime Machin, tout sera fait pour que vous puissiez observer Mars de la meilleure des manières. Voilà Antoine pour le programme d'aujourd'hui. Merci beaucoup Kendra, on te retrouvera dans un petit instant pour faire le au revoir de l'émission. Ça marche. Voilà. Puis sinon demain dès 11h30 pour une nouvelle info actu, puis il y aura aussi à 10h45 pour la météo. Soyez les bienvenus sur The Radio du Seigneur, vous écoutez Ça se passe chez vous ensemble jusqu'à midi. Et là on retrouve le son de Linkin Park, Shadow of the Day, bienvenue. The only way, oh, it's me. Just hanging out with the girls. Do you know what you're doing for Valentine's Day? I mean, I don't know what I'm doing. Probably nothing. Après le son de Color Blast feat Alex Ran, le remix de Muttonhead, Gorgeous, c'est ce que je viens de vous caler sur Zora du Seigneur, 11h42. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h30 sur Zora du Seigneur. Puis je vous ai trouvé une petite info insolite sur internet, voilà, de temps en temps ça arrive, on trouve des trucs qui nous font rire hors antenne, et puis du coup, on vous en parle hors antenne. Bon, j'en ai pas encore parlé à Kendra, enfin, vite fait, Kendra. J'ai vu une news qui s'est passée au Danemark. Alors on part au Danemark. Voilà, il y a 150 personnes qui sont parties se baigner dans la mer lors d'un congrès annuel. Ces personnes, elles étaient déguisées avec un déguisement bien spécifique. Elles avaient tous le même. À ton avis, en quoi ces personnes étaient déguisées? C'était un congrès annuel. Tu as dit sur quoi? C'était un. Bah, je peux pas te le dire parce que ça va spoiler. D'accord. Du coup. Mais c'est pas de saison. C'est pas un avis de saison. C'est un truc qu'on retrouve plus, bah, ça va arriver dans 6 mois quoi. Moi je pense que c'est, je sais pas moi, en super-héros, genre en style de truc Marvel, genre Batman. Bah, t'es pas vraiment loin, hein. t'es pas très éloigné parce que bon, c'est un peu le super-héros des enfants. Bon là je te mets grâce sur la piste. Des enfants. Bah y... alors. Ah, ils sont déguisés en Père Noël. Exactement, 150 Père Noël font trempette dans la mer lors d'un congrès annuel. Non mais tu te rends compte quand même. Et pourquoi en fait ils sont déguisés en Père Noël? Et bah c'était à l'occasion du 61e congrès annuel des Pères Noël qui se tient à Copenhague au Danemark. Voilà. Ah c'était un congrès de Père Noël. Voilà. Donc on a retrouvé, voilà. Ils sont tous mis à la mer avec habillés en Père Noël. Donc il y avait les reines et tout. Bon. Bref. On va oublier cette news je pense et puis on va continuer en musique. Parce que franchement les Pères Noël à la mer, voilà quoi. Bon. Bref, le son de Bassada. Music sounds better with you pour le son de l'été. Dans un instant, il y aura Nobody But You, Soul Kids, mais pour l'instant, c'est le son de Bassada. 11h24.

para pa pa pa para ra ra para pa pa pa. Et c'est celle que j'aime. Elle me parle doucement. Oui, j'aime lui qui de temps en temps. Oui, j'aime quand enfin on s'entend. Oui, c'est celle que j'aime. juste après le son pop rock de Amy Winehouse, You Know I'm Not Good, sur The Heure du Seigneur, 11h58, et puis c'est l'heure de vous dire au revoir, de vous souhaiter un bon appétit. Merci Kandra d'avoir été là aujourd'hui. De rien, ça m'a fait super plaisir. En plus aujourd'hui, bon, on a présenté plein de chroniques intéressantes, je trouve. Ouais, c'était sympa aujourd'hui. Donc on reviendra demain dès 10h sur The Heure du Seigneur, scène-heure.theradio.net. Notez bien le site, mettez-le dans vos favoris. Et vous pouvez nous suivre également sur le Facebook The Radio Seigneur, sur le Twitter @TheRadio_SE et sur le Snapchat The Radio 27, tout simplement. Merci de nous avoir suivis, on vous souhaite un bon appétit et puis à demain. Ciao. Salut. Ça se passe chez vous, revient demain dès 10h sur The Radio Seigneur. Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.theradio.net. I never came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand. But you brought me here, and I'm happy that you did. 'Cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in my sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life just standing here talking. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. When I make a wish to swim away with the fish, is it supposed to be this high all summer long? I never would have believed you if 3 years ago you told me I'd be here writing this song. But here I am, next to you. Sky so blue in Malibu, next to you in Malibu, next to you. Oh. Sometimes I feel like I'm drowning and you're there to save me. And I wanna thank you with all of my heart. It's a brand new start, a dream come true in Malibu. Vous écoutez The Radio Seigneur, il est midi et 2 minutes. There's a war inside my head. Sometimes I wish that I was dead. I'm broken. So I called this therapist, and she said, girl, you can't be fixed. Just take this. I'm tired of trying to be normal. I'm always overthinking. I'm driving myself crazy. Sort of, I'm fucking crazy. And I don't need your quick fix. I don't want your prescriptions. Just 'cause you say I'm crazy. Sort of, I'm fucking crazy. Yeah, I'm gonna show you. Searching city streets, trying to find the missing piece, like you said. And I search hard only to find there's not a single thing that's wrong with my mind. Yeah, I'm tired of trying to be normal. I'm always overthinking. I'm driving myself crazy. You say I'm crazy. So if I'm fucking crazy, I'm gonna show you. Loco, maniac, sick bitch, psychopath. Yeah, I'm gonna show you. I'm gonna show you. Yeah, I'm gonna show you. Just 'cause you say I'm crazy. So what if I'm fucking crazy? Yeah, I'm gonna show you. Loco, maniac, sick bitch, psychopath. Yeah, I'm gonna show you. I'm gonna show you. Yeah, I'm gonna show you. The Radio Senner, votre radio locale dans toute l'agglo. The Radio Senner, la radio la plus proche de vous. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips, in fact I'm down in this. You say with my boo babe, tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westy World with my base stuff. Ooh, that pussy good, won't you sit it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block, then break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM phone. Piss out your per diem, you just gotta hate them phone. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone. If I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Hold up, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Be humble. Bitch, sit down. Little bitch, be humble. Hold up, bitch. Sit down. Be humble. Hold up, sit down. Be humble. Sit down, be humble, bitch, sit down, be humble, sit down. Ooh, that nigga thinking that he frontin' on me, man. Get the